3 millions d'années de balbutiement. Dans un coin donné de ce firmament, pour en arriver d'Australopithèque au point structuré de nos beaux squelettes, puis 6 ou 7 000 pré-générations de croisements subtils et de filiations, pour avoir une chance de vivre au présent toutes les ressemblances de nos précédents. Milliards d'humains dont toutes les moitiés sont bien pour le moins de sexe opposé. Et pour cette raison, milliards de milliards de combinaisons pour autant d'histoires. Milliards de mètres carrés de champs de hasard pour se rencontrer, juste à l'heure précise du cadran solaire, où les fées induisent leur part de mystère, et 300 millions de frais gamètes par éjaculation en version standard. Ce génocide des êtres possibles, un seul intrépide peut être admissible. L'improbable chance devant l'infini de cette existence qui nous réunit. Pourtant tu es là, bravant les zéros, au creux de mes bras, où tu nous tiens chaud. Avant les zéros, au creux de mes bras, où tu nous tiens chaud.